Donc maintenant, il faut que les gens ils arrivent à savoir c'est quoi un mujtahid. Man el mujtahid. Oman el sabi mujtahid. Et beaucoup de gens aujourd'hui, eux-mêmes sont ignorants, se permettent de savoir qui est le savant, qui est le grand savant, qui est le allama, qui est le muhaddis. La personne est devant toi, tu n'as pas étudié, tu sors plein de règles, t'es impressionné, tout ce qu'il dit c'est faux. Comment tu sauras savoir si c'est vrai ou c'est faux? Tu pourras pas le savoir. Mais t'en as déjà aujourd'hui, les gens, ils ont tendance, dès qu'il y a un cher qui débarque à nouveau, je sais pas ce qu'ils ont, ils le gonflent, ils le mettent à un niveau, et ils sont même pas capables de savoir s'il a raison ou s'il a tort. Ils savent pas distinguer. Le la y'alim, le alim, il est l'alim. Il y a qu'un alim qui peut dire que c'est un alim. Si t'as un alim, t'es devancé, un vrai alim, qui a du war, et qui est véridique dans son tardil, ton jar, qui te dit que c'est un alim, khalas, t'acceptes. Mais de toi-même, tu peux pas dire que c'est un alim. Tu ne peux pas. T'as pas le mustawa. Et le call, par rapport à ta madhhab, le fait de s'imposer un madhhab, c'est un call, il est baratin. Mais là, chaque. Tu t'imposes un madhhab, ça, c'est un call, il est bid'a. Quand tu t'imposes de suivre autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le matam, ta madhhab, ce n'est arrivé qu'après les trois siècles. Les sahaba, les tabi'in, ou adba'a tabi'in, le tamadhub, ils n'ont pas connu ça. Et nous, on se dit quoi, salafi ou pas? On dit salafi, il me semble. Donc comment se permettons d'avoir un col pareil, de dire salafi, et de venir avec une chose qui arrivait après eux, et que eux-mêmes n'ont pas fait? Les plus grands imams, dans le hadith ou autre, dans l'époque des salafs, ils n'avaient aucun madhab. Les Ashab Kutub al-Sitta, ils n'ont pas de mazhab. L'imam Bukhari, il n'a pas de mazhab. L'imam Muslim, il n'a pas de mazhab. C'était pas un Hanbali ou un... Il n'a pas de mazhab. Et les Sahaba, il n'a pas de mazhab. Comment on vient aujourd'hui, on s'impose dessus le mazhab de quelqu'un? Tu dis que c'est wajib. Mais t'as déjà dit que c'est wajib d'avoir un mazhab. Ça, c'est bidah. Il y en a même un, il s'est permis de dire quoi? Que 99% des fitan qui touchent la Ummah à cette époque, c'est le fait d'avoir délaissé les mazhab. Ça veut dire là, c'est-à-dire quoi? Ça parle, c'est un kalem, il est grave. Et en plus, c'est quelqu'un qui se vante de dire cela. C'est un kalem qui est grave. Ça veut dire que Allah nous châtie parce qu'on ne suit pas un madhab. Parce que les fitaines, elles viennent comment? C'est un châtiment. Ça veut dire que le suivre d'un madhab, c'est un wujub. Et le wujub, ça vient d'un dalil. On a pris quoi au début? Le wajib. Man fa'alahu fa'iluhu yu'thab imtithalan. Celui qui le fait, le wajib, il est récompensé s'il le fait par obéissance. S'il ne le fait pas, il mérite un châtiment. Donc ça veut dire, si Allah te punit, t'as pas pris un madhab, c'est-à-dire que c'est un wajib. Dit hat dalil du Coran de la Sunna, que sous un madhab, c'est un wujub. T'en auras pas. Donc ton col là, c'est un col qui est bidai. Mais là, chèque. Et ceux qui ont imposé de prendre un madhab, c'est un col, il est mubtada. Et t'en as, ils ont pris un madhab, ils n'ont pas imposé aux autres. Ils ont dit, cela t'est permis si tu veux comprendre. C'est une forme de moyen pour te permettre de comprendre les arkham. Mais si tu le fais pas, c'est mal ou bafilo ma'alik. Maintenant, aujourd'hui, tu dis, c'est lazim, faut que t'aies un mazhab. Si t'es pas un mazhab, on dirait que t'as un zindik. Hein? Bah, ces gens-là, là, eux, akrab lil bid'a min ghayrihim. Et t'en as, ils se disent salafi, ils ont ce call-là. On dit, ton call, c'est pas un call salafi. Abadan. Donne-moi des ashabs de salaf qui ont dit cela. Les aïmas des mazhab eux-mêmes, on dit que personne ne doit me suivre aveuglément. Eux-mêmes, ce sont les premiers à blâmer cela. Et les gens, ils le suivent quand même. Et t'as d'autres gens, à leur époque, qui avouaient qu'il y avait des mazahib aussi. Seulement, Allah, il a fait que ces quatre-là seulement ont été les plus connus à notre époque. T'en avais d'autres qui avaient des mazahib. On aurait les alika. Donc, ce call-là, c'est un call min gharaib adaz zaman. Oh, hatta qadim. Et le tamazoub, ça a fait beaucoup de fitan. De fourkan dans la umma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on le dit, le fait de ne pas suivre un mazhab, c'était pas un temps dans les aïmma. Sûrement pas. Au contraire, on a plus que ce qu'ils veulent de nous. Et on prend leur call, les murtabars sont des aïmma, on les aime, nous hibboum fillah, mais c'est pas pour autant qu'on va s'apparenter à lui et porter son nom. Ça, non. Si on devait porter le nom de quelqu'un, on porterait le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu parmi les créatures. Chose qu'on ne fait pas. On va le porter pour quelqu'un d'autre. Et on aurait porté le nom des sahaba. On l'a fait ou on ne l'a pas fait? Wallah musta'an.